pour fêter dignement l'anniversaire de mai 68, nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse. Nous avons discuté avec des étudiants de Lyon 2, de Sciences Po Lyon, ainsi qu'avec des jeunes qui s'étaient rendus le 5 mai à la fête à Macron, sur la place des Terreaux. Ces jeunes sont contestataires, certes, mais que contestent-ils? Et sur quelle base idéologique ont-ils construit leurs différentes luttes? Pour le savoir, nous vous avons concocté un épisode spécial plein de témoignages, d'analyses et de micro-trottoirs savoureux. Tu penses que ça fait pas un peu le jeu de Daesh de faire une manif comme ça en plein air? Non. Non, du tout. Les anciens de 68, il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est instit, il y en a une, c'est ma sœur, il y en a surtout pas mal qui sont devenus de vieux cons. Voilà pourquoi nous sommes allés à la rencontre des jeunes cons pour savoir si ces références leur parlaient encore, eux qui allaient bientôt faire mai 2018. Ils commémorent, on recommence, c'est un message que l'on entend parfois en ce début de printemps social 2018. Ici et ailleurs, les occupations d'université se multiplient, les banderoles fleurissent, les AG s'enchaînent, et bien évidemment le souvenir de mai-juin 68 est dans toutes les têtes. Nous ça nous inspire, peut-être s'il n'y avait pas eu ce précédent-là, on n'oserait pas aujourd'hui aller manifester dans la rue, aller bloquer des facs. Je connais pas les détails, mais mai 68 c'est quand même une espèce de modèle contre un système que les jeunes ne voulaient plus. Ils ont pris ce qui les concernait en main, sans qu'il y ait des gens au-dessus d'eux qui leur disent quoi faire. Et je pense que pour ça, c'est bien quoi. Mai 68, moi personnellement je le vois vraiment comme un moment où en fait les individus ont compris que le pouvoir vraiment qu'ils pouvaient avoir sur les gros groupes, sur les patrons, aussi sur le gouvernement, c'était vraiment la force du nombre en fait. Et enfin voilà, bon ça s'était déjà passé avec la Révolution, mais en tout cas c'est vraiment le grand exemple contemporain qu'on a. Et c'est ce que je trouve vraiment le plus inspirant, voilà, c'est dire effectivement l'ouvrier seul ne peut absolument rien faire. Mais on est une masse. Et juste parce qu'on est une masse, en fait, on peut faire bouger les choses parce que le système tourne aussi. Grâce à nous. Et pourtant, la mémoire de 68 est confuse. Une confusion entretenue sans doute par les discours dominants, les discours réactionnaires qui aimeraient qu'on se souvienne des événements de mai et de juin comme d'une aimable fête d'étudiants plus agités par leur libido que par de grandes idées révolutionnaires. Je sais pas si c'est de révolution, mais en tout cas peut-être de prise de conscience, de changement d'époque. C'était peut-être plus au niveau des mœurs pour eux. Nous, peut-être qu'il faudra que ce soit plus politique et écologique. Moi, ce qui me parle dans mai 68, c'est peut-être plus le mouvement de libération de la femme, etc., où je me suis un peu renseignée là-dessus, et je sais que c'est un peu parti de là aussi. En 68, ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que près de 10 millions de travailleuses et de travailleurs ont, à un moment ou à un autre, cessé le travail. C'est la plus grande grève générale que le pays ait jamais connue, et il s'agit donc bel et bien d'un mouvement collectif. Au départ, c'était des groupes, c'était des unités, et la seule chose qu'on est ressorti, c'est uniquement des individualités presque qui sont sorties. On parle toujours de Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge. Voilà, puis surtout quand on voit ce qui est devenu Cohn-Bendit, j'ai pas forcément envie de prendre ça comme exemple révolutionnaire pour le mouvement, quoi. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a les étudiants qui sont fédérés avec les cheminots, le personnel hospitalier. Et c'est important, comme en mai 68, il y a une convergence des luttes qui donne beaucoup plus de visibilité et de crédibilité au mouvement et qui montre qu'on n'est pas juste en opposition, mais on a un vrai projet de société. Alors très bien, mais si je suis allé à la rencontre de ces jeunes, c'est précisément que je me demandais quel était ce projet de société. Derrière les discours, les rituels, il doit bien y avoir quelque chose comme une vision du monde. Il y aura une étape de franchie quand on arrivera à faire passer l'argent au second plan, non plus comme une fin dans la vie quotidienne, mais comme juste un moyen d'action. Je pense que ça relève surtout d'une contestation du néolibéralisme. Il faut un petit peu s'ériger aussi contre les grands groupes qui cherchent à rentabiliser au détriment de conditions sociales, au détriment des conditions de vie. Donc voilà, on le voit donc effectivement pour l'université, on le voit pour ce qui concerne les hôpitaux. J'ai l'impression qu'on va vers une société où on va privilégier le fait d'être plus fort que l'autre, d'être meilleur, etc. Et pas du tout humain, et donc on voit à travers à peu près tout ce qui se fait. Quelle est la base, si tu veux, idéologique de la société vers laquelle tu voudrais qu'on aille? Ce serait le partage, et voilà, étendre la main vers l'autre, et aider l'autre plus penser au confort de chacun et pouvoir l'égalité un petit peu. Ce qu'il y a de certain, c'est que le trait d'union entre toutes ces luttes, il a bien davantage été tracé par le volontarisme d'Emmanuel Macron que par les contestataires eux-mêmes. Au-delà de la figure présidentielle, difficile de mettre des mots sur ce que l'on combat précisément. Oui, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'économie, elle est, pas de notre fait, mais d'une idéologie libérale, elle prime sur le reste, quoi. C'est le marché qu'on fait primer sur des considérations sociales. C'est peut-être dans l'idéologie du coup de ceux à qui on s'oppose, il y a vraiment, enfin, comme tu l'as dit un peu, l'hyperlibéralisation, le fait que On trouve que bah, les services publics, c'est plus rentable, que ça fait trop de déficit, et un service public, bah, c'est pas fait pour faire du gain, c'est pas... Donc très bien, ces jeunes s'opposent à l'hyperlibéralisme, au néolibéralisme, au mégalibéralisme, mais alors que je parlais avec eux depuis près de 40 minutes, je me suis rendu compte qu'à aucun moment ils n'avaient prononcé le mot capitalisme. De manière générale, le vocabulaire marxiste, très utilisé en 68, était quasiment absent de la rhétorique de ces jeunes. Non, c'est pas des mots que j'emploie spontanément parce que j'ai pas envie de mettre tout de suite une grosse case en fait dessus. On peut penser les arguments marxistes sans avoir les codes et les symboles marxistes. On parle beaucoup de convergence des luttes, mais ce serait quoi le trait d'union des logiques qu'on combat? Quel mot tu mettrais dessus? Si vous voulez écouter la suite, c'est possible sur le net. Ça s'intitule « Usul, que vaut la jeunesse de mai 18 ?» Alors c'est sûr, ça se passe en France, ça se passe pas en Belgique, mais la France et la Belgique et la France sont voisines, elles sont l'une à côté de l'autre. On parle la même langue, c'est pas si éloigné que ça pour finir. Dans le micro vert qui va suivre, on va entendre un monsieur qui s'appelle Luc Massard, qui a travaillé 40 ans à la gestion de l'Université libre de Bruxelles. Il a démarré à 18 ans en 1968, ce qui peut être intéressant à entendre la gestion de 1968 à 2018. Trois petits points, un point de suspension, la suite, tout de suite maintenant. Mais j'avais envie de dire quelque chose par rapport à certains micros ouverts. Micro ouvert ne fait pas du journalisme. Micro ouvert, c'est pas une enquête qu'elle fait. Vous savez, c'est plutôt donner la parole aux gens, simplement écouter. Ce que racontent ces gens, comment ils voient le monde, raconter leur expérience, voilà, c'est ça l'idée. Faire du journalisme, enfin, vous savez, il ne suffit pas de mettre un micro, de donner la parole à quelqu'un. Il faut ensuite faire une enquête. Hein. Quand on fait du journalisme, on donne la parole pour savoir, tiens, si ce que dit ce monsieur est vrai, pas vrai. C'est pas l'objectif. Le micro ouvert tend simplement le micro aux gens, simplement. Après, si d'autres écoutent le micro ouvert et qui ont envie d'aller voir plus loin, ben, tant mieux. Mais l'idée première, ce n'est pas de faire du journalisme, hein, je le précise bien. Là, je vous présente Monsieur l'Indien. En l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi pour demander la permission à M. l'Indien de mettre un poteau à 20 pieds de son tipi. Monsieur l'Indien dit, ah, oh, fait plaisir, monsieur. Deux jours après, il s'en allait à la chasse pour sa famille. Il se retourne de bord, puis il y avait un autre poteau à peu près 20 pieds à gauche. Oh, c'est pas grave, ils m'ont demandé la permission pour un, ils peuvent en mettre deux. On a de la place, ça, on est plein d'espace. Je connais pas ça, mais elle dit ça sent drôle. Oh, c'est pas grave. Ils y en mettront pas d'autres, ils vont demander la permission d'en mettre rien qu'un. Oh, sinon, mis deux, c'est pas grave. Il se lève un matin, le bébé braillait. Sa femme aussi, et lui était fatigué parce qu'il avait chassé toute la nuit. Il y avait une traque, deux rails de chemin de fer juste en face de sa maison. Là, il n'avait pas demandé la permission. Là. Là, il dit peut-être que j'aurais pas dû permettre de... Là, il s'est mis à bégayer, puis... Il sentait quelque chose de pas correct. Mais comme son cœur d'homme était grand, il dit à sa femme, il dit, j'espère que nos enfants verront pas ça. Fait que, il voulait plus jamais se voir dans sa maison avec deux poteaux, des fils télégraphiques, une traque à l'avant de son tépi pour se faire dire par la civilisation qu'il n'était plus chez eux. Luc Massard, voilà. Ça, c'est... Luc ? Luc Massard. Luc Massard, voilà, je vous rencontre. Alors, j'explique pourquoi on se rencontre, comme ça on se met d'accord. On s'est un petit peu mis d'accord d'ailleurs au préalable, avant d'allumer le micro. J'avais envie de vous rencontrer parce qu'il y a une vidéo, et paraît-il, il y en a d'autres. Mais là, moi, j'ai vu qu'une vidéo de vous qui expliquait, vous filmez en fait, et vous expliquez, bon, je traduis avec mes mots, hein, après vous allez mieux l'expliquer, mais vous dites en gros que le pouvoir qui organise l'ULB, c'est comme ça que je le traduis moi, se dit démocratique, non, qu'est-ce qu'on rigole, c'est pas du tout vrai. Est-ce que vous pouvez mieux l'expliquer? Et d'abord, qui êtes-vous, Luc Massard? Moi, je suis rentré à l'université en mars 68, donc j'ai quand même une vue depuis très longtemps de la gestion de l'ULB. Et effectivement, en 68, j'étais très euphorique quand je participais aux assemblées syndicales du personnel. Là, vous allez trop vite, hein. Désolé, Luc. Parce que vous dites, j'étais à l'ULB en mai 68. Ok, mais qu'est-ce que vous faisiez là d'abord? Il faut un petit peu vous présenter, sinon on ne comprend pas. On comprend un type qui débarque en mai 68, très bien. Mais qu'est-ce que... Comment vous connaissez l'ULB d'abord? C'est ça, on a envie d'un petit peu comprendre, mais c'est qui ce bonhomme? Pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il connaît d'abord? Parce que moi, je pourrais aussi prendre une vidéo et dire, vous voyez, de quel droit vous avez le pouvoir de dire ça, en fait? C'est ça, il faut un petit peu défendre cette idée. J'ai le pouvoir, comme toute autre personne à l'ULB, a le pouvoir d'exprimer son point de vue, et je considère pas du tout que ce que je dis est la vérité. Mais ce que je regrette, c'est que pour l'instant, Au niveau de l'ULB, on a mis en place un certain système de communication qui filtre exactement ce qu'ils désirent faire passer dans les médias, ce qui n'était pas du tout le cas par le passé et ce qui n'était pas le cas dans la gestion de l'ULB non plus. Donc moi, je suis rentré comme simple employé de l'université en mars 68 et donc j'ai très rapidement été dans le fonctionnement turbulent de mai 68 où je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très passionnant, où vous aviez des assemblées libres, où tout le monde pouvait s'exprimer, et ça faisait une véritable cacophonie, parce que après, vous aviez l'opportunité de répondre à quelqu'un que souvent, 2-3 heures après qu'il ait posé sa question, comme tout le monde avait le droit à la parole, et donc il n'y avait pas tellement de cohérence dans ce qui était les assemblées libres proprement dites. Mais en parallèle des assemblées libres, vous aviez des assemblées syndicales du personnel et celles-là étaient quand même un peu plus structurées, surtout les assemblées générales du personnel académique, des profs. Là, clairement, les auditoires où se trouvaient les profs, ils parlaient d'ordre du jour bien précis, ils évoluaient dans leur aspiration à rentrer dans la gestion participative de l'université. Et à ce moment-là, moi, j'étais tout euphorique parce que comme membre du personnel administratif de l'ULB, je me disais, même les profs veulent que nous fassions partie de cette gestion participative et démocratique de l'ULB. Quand tu dis « nous », ça veut dire qu'il faut essayer de bien se remettre dans l'époque aussi. J'ai l'impression que tu expliques que, en gros, tu arrives, tu as 18 ans, là tu ne l'as pas dit, mais c'est moi qui le dis, tu as 18 ans, hop, tu bosses, ça y est, tu es engagé à l'UNIF, et c'est en plein mai 68, quoi. C'est ça l'idée. Et en fait, il y a des grosses réunions, des discussions, là il faut un peu mieux que tu expliques, parce que quoi, ça donnait l'impression qu'en fait on allait mettre tout à l'horizontale, quoi. Le pouvoir allait être partagé, c'est ça que tu veux dire? C'est bien ça, c'est ce qu'on nous a proposé à cette époque-là, sauf que j'expliquais que les vraies assemblées libres qui se passaient dans le bâtiment central de l'ULB, c'était euphorique, mais par contre, ce qui était plus constructif, c'est les assemblées structurées du personnel. Académique et syndicaliste, alors. Tu avais académique avec une prédominance du syndicat socialiste, mais tu avais personnel administratif avec prédominance absolue aussi du syndicat socialiste. Donc c'était la CGSP qui travaillait en bonne harmonie pour faire pénétrer toutes les couches de la population de l'université dans la structure définitive participative. Et c'est comme ça qu'à ce moment très turbulent, une fois que les autorités de l'époque ont démissionné, s'est mis en place ce qu'on a appelé une constituante. Et cette constituante était composée d'une façon paritaire. L'esprit, c'était... dans la réalité, il y avait 24 scientifiques, 24 profs et 24 étudiants. Et si je me rappelle bien, il y avait 14 ou 15 membres du personnel administratif. Ça, c'est quand la révolution a eu lieu. Oui. On va dire après mai 68, il y a eu cette espèce de pouvoir mis avec tous ces gens en jeu, c'est ça? C'est ça. Donc, d'abord, il y a eu la démission. Parce que pour et pouvoir, de qui à l'époque? Du conseil d'administration qui était composé uniquement de technocrates et qui se cooptaient entre eux. Mais c'était tous des gens très proches du libre examen, très proches des familles franc-maçonnes. Et donc, il y avait un conseil d'administration qui était composé d'une façon prépondérante de ces gens-là, avec des présidents de faculté et beaucoup de personnes cooptées. Donc, vous aviez des gens du monde politique, du monde social et du monde financier qui faisaient partie de ce conseil d'administration, mais ils se cooptaient entre eux. Donc, quand l'un partait, bien, c'est les autres qui décidaient qui pouvait rentrer dans le conseil d'administration. C'est ça que ça veut dire, coopter? C'est comme ça qu'ils se cooptaient entre eux. Donc, la communauté universitaire n'avait rien à dire, mais l'ensemble de la communauté universitaire, y compris les profs qui aspiraient à rentrer dans le circuit. Et donc, au début, à cette constituante de 68, j'étais très euphorique, mais deux ans plus tard, quand on a mis en place un conseil d'administration définitif, ce n'était plus le même esprit. Et il y avait la moitié des administrateurs qui seraient dévolus au corps académique et les autres composantes, donc le personnel scientifique, les étudiants et le PATG, devaient se contenter de l'autre partie du conseil d'administration. Donc cet équilibre était déjà un petit peu perdu, parce que l'esprit de départ, c'était aucune des composantes ne peut imposer son point de vue aux autres. Ce qui est une chouette idée. Qui était une idée remarquable au départ. Et effectivement, quand ça a été mis en place, tu avais quand même une composante qui avait presque qui avait la moitié des sièges, donc qui avait une prépondérance dans toutes les décisions. Il suffisait qu'ils se mettent ensemble pour que les trois autres composantes soient en difficulté. Mais moi, j'y ai parti. Oui, voilà, j'allais dire. Mais toi, du coup, tu étais très dans le concret, là, puisque tu étais membre... Tu travaillais comme administrateur, là, à l'ULB. Donc, tu as vraiment vu les choses au cœur du problème, quoi, non ? Si je comprends bien, tu me dis si je me trompe. Il y a une évolution. Moi, je suis rentré vraiment dans le circuit de la participation qu'en 76. Donc, la première partie, j'étais membre du personnel. J'avais vécu les événements, mais je n'étais pas encore désigné par les personnels administratifs, techniques et ouvriers pour siéger en leur nom dans les différentes structures de l'université. Mais au départ, même comme je viens de l'expliquer, qu'il y avait la moitié pour le corps académique et l'autre moitié pour les autres, au départ, c'est resté dans l'esprit. Le premier président du conseil d'administration qui est décédé il y a peu, André Jomotte, qui était pourtant un libéral, s'évertuait à prendre des décisions où l'ensemble des composantes adhéraient à la décision prise. Donc ce n'était pas 51% contre 49%, il essayait toujours que dans le PAT, dans le personnel administratif, dans les scientifiques et dans les étudiants, y ait un certain nombre d'étudiants aussi qui acceptent les propositions. C'est pour ça que ces conseils d'administration étaient très décriés, parce qu'ils duraient jusqu'à 2h du matin, puisque pour arriver à mettre tout le monde ensemble. Et donc là, c'était encore étonnamment un président libéral qui aspirait à ça. Mais là, l'esprit a disparu rapidement. Oui, là maintenant, pour essayer de bien comprendre. Hein. Donc en fait, je sais que je me répète, hein, mais c'est parce que des fois, tu vois, tu es dans ta tête, les choses coulent de source, mais moi... Donc l'ULB, en fait, elle essaye, ce mai 68, là, cette révolution, ben quand même, hein, on minimise beaucoup en disant que c'était les petits étudiants qui ont fait la révolution. Après, il y a plein de choses à dire, hein, et des choses super qui se sont réalisées, entre autres l'ULB en Belgique, à Bruxelles. Il y a ce pouvoir qui se met à l'horizontale, et c'est pas simplement un chef qui décide, on demande aux étudiants, on demande aux professeurs, on demande... au personnel administratif, ça, et c'est dit les ouvriers, les dames qui nettoient, tout le monde, les techniciens, donc l'ensemble des composantes. C'est génial. Et la critique a été très rapidement, mais enfin, ces gens ne sont pas à même de pouvoir participer à une gestion participative de l'université. Mais moi qui faisais partie justement de ces administrateurs dans leur esprit de second rôle, qui était le personnel administratif, les scientifiques et les étudiants, j'ai pu vivre des propositions de dossiers fabuleuses, parce que quand nous on préparait, puisque nous étions l'autre moitié face aux professeurs, on devait préparer nos points à l'ordre du jour au conseil d'administration, et que ce soit les étudiants, le personnel administratif ou les scientifiques qui proposaient leurs points. Les autres commençaient à les critiquer en disant... Oui, quels autres ? Si c'était l'administratif qui proposait, c'était les scientifiques et les étudiants qui trouvaient les failles dans les propositions et qui disaient ça, c'est pas possible. Il y a un exemple concret pour qu'on puisse comprendre ? Sinon, ça reste trop flou, mais pas, puisque toi, tu as vraiment géré... Enfin, tu m'as dit un peu plus tard, c'était pas dans les années 70, plus tard, toi. Moi, je rentre en 76 dans les premières structures participatives, qui est la commission culturelle, et un peu plus tard, la commission des affaires sociales. Et c'est seulement dans les années, tout début 80, que je rentre pour la première fois au conseil d'administration. Donc, ça craint déjà dans les années 80, là. Non. Enfin, ça craint comparativement au début, qui était beaucoup plus euphorique, mais... Quand j'ai vécu au conseil d'administration et que j'ai fait partie de l'interfacultaire, qui était donc les administrateurs désignés par les trois corps majoritaires mais minoritaires au point de vue des sièges au conseil d'administration, on se préparait et on se mettait d'accord ensemble pour faire des propositions. Par exemple, nous avons été, je demande un exemple, nous avons été beaucoup plus durs au niveau des directeurs d'administration qui avaient été mis en place pour gérer l'université, qui dirigeaient des départements. Et au départ, ces directeurs étaient là pour des périodes limitées dans le temps, avec une reconduction de mandat. Et très rapidement, les profs ont tenté que ces directeurs coordonnateurs soient nommés à vie. Ah ouais, mais pourquoi? Et quoi? C'était votre demande à vous? Non, au départ, l'esprit était collégial et que ces nouveaux directeurs ne prennent pas le pouvoir vis-à-vis du conseil d'administration. Donc, c'est comme ça que la proposition de départ, c'était des mandats de trois ans renouvelables. Et puis, après les premiers trois ans, les administrateurs académiques ont trouvé que non, il n'y avait pas vraiment lieu de passer un renouvellement, tacitement, on pouvait les garder. Et là, puisqu'il y avait un exemple à donner, l'interfacultaire s'est réuni et a dit « nous ne l'acceptons pas ». Nous n'acceptons pas de quoi exactement? Comme ça, que, on suit bien. Que ces personnes soient reconduites à vie, il faut que nous respections. On fait un bilan, comme pour tout autre employé, on fait un bilan après trois ans. S'ils sont compétents, ils restent, ils ne le sont pas, ils ne restent pas. C'est incroyable ce que vous êtes occupé à dire quoi. Et c'est qui voulait ça en fait? Eh bien, c'est les autorités d'époque, soutenues par le corps académique, qui considéraient tout compte fait que nous n'étions pas là pour réellement diriger l'université, qu'il fallait que des directeurs compétents la dirigent et qu'au départ, la demande était justement qu'on analyse quand même leurs compétences tous les trois ans. Et puis tout d'un coup, ça n'avait plus lieu d'être, donc il ne fallait plus vraiment contrôler. Et là, c'est vraiment l'interfacultaire qui s'est mis d'accord. Notre point qui était mis à l'ordre du jour n'a pas été mis à l'ordre du jour pour le renouvellement de ces mandats. Nous avons été obligés d'écrire une lettre ouverte que nous avons déposée au conseil d'administration. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'étais d'ailleurs vice-président du conseil d'administration. Et le président à côté de moi avait vu qu'on avait mis le document que lui avait refusé de mettre à l'ordre du jour, qu'on l'avait mis devant tous les administrateurs. Il a pris mon papier, il l'a mis en boule et il a dit « voilà ce que je fais de votre torchon, monsieur Masser », et il l'a jeté derrière lui. Mais nous avions gagné le conseil d'administration suivant. Les directeurs de département devaient remettre leur bilan d'activité. Mais malheureusement, quelques années plus tard, ce combat-là a été perdu aussi, comme bien d'autres combats. Ce combat-là a été perdu, quoi? Ça veut dire que, pour finir, vous avez gagné une bataille, dans le sens que, ben non, il n'y aura pas de chef à vie. Parce que c'est ça. Mais c'est incroyable, ça, d'entendre ça. Des gens qui sont à vie pour gouverner, et on ne doit pas les critiquer, et ils ne doivent pas se remettre en question. C'est énorme d'entendre ça. Au départ, en définitive, ils étaient là pour servir le conseil d'administration, mais en les nommant à vie, ça voulait dire que c'est eux qui prenaient progressivement le pouvoir, parce que les administrateurs qui sont élus pour deux ans face à des personnes qui sont là depuis 10, 15 ans, quelle capacité de réaction ont-ils? Et là, vraiment, c'est une anecdote assez comique, parce que j'ai été amené de présider deux conseils d'administration en l'absence du président. Et alors, il y avait, deux jours plus tard, une réunion de coordination où les autorités, le recteur et le président... C'est le chien-chien de monsieur qu'on entend. Parce que les gens se disent « ouh, ouh ». C'est pas moi qui fais... Ah, voilà. Hop. Luc Massin. Bon, on va une petite pause et puis on reprend. Il y avait, vous étiez occupé à parler d'une anecdote. Moi, je vous ai coupé avec le chien-chien qui faisait ouf-ouf. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Donc, deux jours après le conseil d'administration, le président et le recteur font systématiquement face au directeur de département pour leur expliquer les décisions du conseil d'administration à mettre en œuvre. Et donc, comme je remplaçais le président au conseil d'administration, je l'ai remplacé à cette réunion de coordination. Et là, j'ai été très surpris. Un des directeurs de département s'est retourné vers le recteur et lui a dit « Monsieur le recteur, vous ne m'avez pas défendu correctement au conseil d'administration. En conséquence, je quitte la séance. » Donc, ça vous fait comprendre le pouvoir qu'avaient ces directeurs de département, parce qu'ils avaient le loisir, au moment où ils recevaient les instructions pour mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration, de quitter la séance pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec les autorités de l'université. Et là, effectivement, j'ai été très critiqué par le président à son retour d'absence, d'avoir participé à cette réunion-là, puisque effectivement, j'avais compris que les autorités n'avaient déjà, à cette époque-là, plus tous les pouvoirs en main. Et quoi ? Et alors, qu'est-ce qui se passe, Luc Massard ? Vous voyez petit à petit que tout ça s'effrite, que ce pouvoir, en fait, à la base, qui se voulait participatif, part en cacahuète, c'est ça, en fait ? Mais non, nous avons survécu dans ce système jusqu'aux années 2010 à peu près. Et là, nous avons vécu un retournement de situation brutal, c'est-à-dire que le vice-président qui était président de l'interfaculté a donc des corps. Mais là, on s'y perd avec les vice-présidents, présidents. Essayons de parler pour qu'on comprenne bien les gens qui n'y sont pas. Quoi. Donc, le recteur, c'est celui, c'est le chef, c'est le grand chef, le recteur. Non. Avant, le grand chef était le président du conseil d'administration, le recteur était le chef des académiques et le président de l'interfacultaire était le chef des scientifiques, du personnel administratif et des étudiants. Et donc, c'était les deux groupes qui ne se combattaient pas, mais qui étaient complémentaires au conseil d'administration. Et en 2010, à peu près, le groupe de l'interfacultaire a réussi à faire adhérer à ce groupe-là 2-3 profs, et donc sont devenus majoritaires. C'est arrivé qu'une seule fois sur les 40 ans de participation, ils sont devenus majoritaires et ont mis en difficulté pendant plusieurs mois le recteur et ses doyens. Et quand tu dis « on mis en difficulté », quoi, ça veut dire qu'on entendait plus... Parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, quand on parle de difficulté, oui, mais ça veut dire qu'on entendait vraiment les ouvriers, on entendait vraiment les techniciens, et on entendait vraiment les profs, et c'était leur réalité aussi qu'on mettait sur la table. On entendait vraiment les représentants de toutes ces composantes. Mais malheureusement, je dois admettre que c'est souvent plus leur intérêt personnel. Ils ont fonctionné quasiment comme fonctionnait le corps académique en imposant leur point de vue, mais ils l'ont fait d'une façon très ferme pendant quelques mois et ils s'opposaient presque systématiquement aux propositions du recteur et de ses doyens. Et après un certain temps, les doyens ont trouvé cette situation tout à fait insupportable et le recteur de l'époque, Philippe Vinck, a démissionné. On peut faire ça. Quand on en a marre, on démissionne. Mais c'est une première. Il était vraiment, considérant qu'il était minoritaire au conseil d'administration, il considérait qu'il n'avait plus la possibilité de mener sa politique qu'il avait proposée au corps académique et il a démissionné. Et on est en quelle année là? Aux alentours de 2010, quelque chose comme ça. Et alors, ça c'est le reflet. La démocratie reste régnée tant que l'argent ne rentre pas en ligne de compte. Par exemple, moi et tous mes prédécesseurs, nous n'avions pas un euro pour toutes les fonctions qui étaient les nôtres au conseil d'administration. Et dès qu'on est rentré dans le système où il y avait une prise de pouvoir du corps de l'interfacultaire, les personnes qui les représentaient ont commencé à avoir de l'argent comme frais de représentation. Mais comment c'est possible ça ? Pourquoi ce changement ? Tu connais l'histoire un peu ? Pourquoi ça, au départ il n'y a pas d'argent ? Et j'imagine qu'il y a des raisons pourquoi il n'y a pas d'argent. Je veux dire, c'est réfléchi aussi. Une fois qu'on met de l'argent, le rapport est différent. Hein. Comment ça se fait que c'est arrivé ? Moi, comme vice-président du conseil d'administration, je n'ai jamais voulu accepter des frais de représentation quelconques. Mais on vous en a proposé ? Mais oui, on posait la question, mais je crois qu'on l'a posée à mes prédécesseurs et j'ai l'impression que ça a toujours été refusé parce que c'était garder son indépendance. Oui, oui. Une fois que tu acceptes un montant, et c'est après moi qui a eu la première poussée et le premier vice-président qui m'a suivi a eu 5000 euros et tout ça a augmenté progressivement pour arriver sur son mandat à 25000 euros. Et pour renverser cet interfacultaire-là, les anciens doyens qui étaient dans la minorité ont proposé, lors de l'élection nouvelle d'un président du conseil d'administration, ils ont proposé à un étudiant, 30 000 euros de budget de représentation pour devenir vice-président avec le président qui était un ancien doyen de Polytech pour renverser la balance. Et cet étudiant a accepté les 30 000 euros et... C'était fabuleux, hein, je crois. 30 000 euros, on n'est pas en... C'est énorme, 30 000 euros. C'est absolument invraisemblable. D'ailleurs, il s'est rendu compte lui-même que l'étudiant qui est devenu vice-président, avec ses, il ne parvenait pas à dépenser 30 000 euros de frais de représentation, de taxi, de resto, tout ça n'était pas possible. Et donc, dès l'année suivante, ça a été encore beaucoup plus pernicieux parce qu'il n'a plus reçu que 15 000 euros. Et il avait un budget de 15 000 euros pour donner de l'argent au cercle qui en avait besoin. Donc, le vice-président du conseil d'administration étudiant avait plus d'argent à distribuer au cercle étudiant que la commission démocratique, qui était la commission culturelle, qui avait que 13 000 et quelques... Donc, tous les étudiants ne contestaient pas ce brave vice-président, puisqu'il suffisait de frapper à la porte. Et c'est ce que je disais au départ, dès que tu fais rentrer de l'argent dans le système démocratique, surtout où il y a des représentants qui n'en ont pas souvent, tu bafoues le système en lui-même et tout ça est renversé. C'est comme ça d'ailleurs que cet étudiant a accepté, ou sinon je ne pense jamais qu'il aurait accepté. Et ça a été plus loin, puisque cet étudiant-là a proposé la réforme des statuts de l'université qui s'est mise en place en 2013 et qui a permis qu'il n'y ait même plus de parité entre les académiques et les non-académiques. Parce qu'à ce niveau-là, maintenant, au conseil académique, qui est quand même le conseil le plus important pour l'enseignement et pour toute la problématique étudiante, tu as 15 membres du corps académique et tu n'as plus que 11 membres des trois autres corps réunis. Donc, même avec le désistement d'un ou deux profs, ils ont toujours la majorité absolue. Donc, il n'y a plus de... C'est une fausse démocratie, il n'y en a plus, puisqu'il n'y a plus d'équilibre même entre trois corps qui n'ont pas les mêmes buts et le corps académique qui a tout à dire. Donc, on est en 2013, c'est à partir de 2013 alors que tout ça part en cacahuète. Tout ça, comme vous dites, part en cacahuète. Mais pour moi, à la limite, si l'Université libre de Bruxelles prétendait qu'elle n'était plus libre et qu'elle avait trouvé une gestion privée parce que c'est beaucoup plus efficace pour gérer l'université... Elle a tenté de le faire, hein, non, il y a quelques années avec McKinsey. Oui, je vais en parler, okay. Effectivement. Si elle avait accepté ça, moi, ça ne me poserait pas de problème existentiel. Ah bon, mais pourquoi ? Parce qu'alors, les choses seraient claires. Mais ce qui m'énerve profondément, c'est que l'Université libre de Bruxelles continue à prétendre qu'elle est démocratique. Et qu'en plus, elle donne des leçons de démocratie partout. Et que des profs de droite font ça. De droite font ça, ça ne me pose pas de problème. Mais ce qui m'irrite profondément, c'est que des gens de gauche, des profs qui se prétendent à gauche, font ce jeu-là. Et dans l'enceinte de l'université, là, ils considèrent que non, la démocratie pour les ouvriers, dans les usines et tout ça, ah oui, d'accord, mais pas dans l'université, parce que l'université, c'est quand même nous, les maîtres de la connaissance. Et donc, les étudiants, le personnel administratif et les scientifiques, ce sont des classes subalternes, donc je ne vois pas pourquoi dans l'UNIF, ce serait possible. Eh bien, s'ils considèrent que c'est comme ça, qu'ils le prétendent tout haut, mais qui ne continue pas à dire qu'on est dans un système démocratique. Et vous avez parlé de McKinsey. Ce qui est assez comique quand le recteur a proposé que McKinsey Yvon Anglaire, le recteur actuel, oui, c'est celui qui est toujours en place. Il avait proposé il y a quelques mois, peut-être quelques années maintenant, que McKinsey aide à la construction d'un bâtiment à la plaine. Mais pour ce faire, il avait droit à un plateau complet pour réunir tous ces bureaux de McKinsey Belgique dans ce plateau pendant 10 ans. Et il expliquait au conseil d'administration... Donc le recteur. Hein. Le recteur, et il avait expliqué au conseil d'administration que tout ça était fait d'une façon gentille pour l'université, pour apporter un plus à l'université, mais qu'il n'y avait aucune incidence de McKinsey dans la gestion proprement dite de l'université. Et les étudiants, les quelques étudiants du conseil d'administration ont contesté. Et puis ils ont commencé à en faire part à la presse. Et puis à ce moment-là, il a sorti un communiqué à l'ensemble de la communauté universitaire pour expliquer que les étudiants bafouaient la démocratie parce que comme ils n'avaient pas réussi à convaincre le conseil d'administration, ils en parlaient à la presse alors qu'ils ne jouaient pas le jeu démocratique de l'université. Vous vous rendez compte ce qu'il a osé dire, alors que les quelques étudiants, ils pouvaient danser sur leur tête dans ce conseil d'administration, ils n'ont pas la majorité, donc ils n'auraient jamais eu gain de cause. Oui, donc, ouais, c'est énorme ce que vous êtes occupé à dire, hein, et vous dites plein de choses quand même. Hein, voilà, ce qui est intéressant, bon, moi j'y suis pas à l'UNIF. Je ne connais pas tout ce qui s'y joue, je sens bien, parce qu'il y a eu, il y a 2 ans de ça, quand des étudiants ont squatté le bureau du recteur, vous devez être au courant, non, vous voyez, par rapport à des frais monstrueux qu'on allait faire payer à des étudiants non belges. Vous souvenez de ça? Je me souviens de ça, mais effectivement, ils se sont limités à ce seul problème-là. Je suis un peu bousculé de me rendre compte aujourd'hui qu'aussi bien le cercle du libre examen, tous les cercles étudiants et tout ça... considère aujourd'hui que c'est perdu. Qu'est-ce qui est perdu ? Le système démocratique en lui-même. Je ne pense pas qu'ils sont perdus, je pense que ça va être les examens, tu vois. Je rigole quand je dis ça. Voilà. Regarde en France, tu es au courant de ce qui se passe en France. Oui, mais non, moi je pense que dans leur esprit, c'est perdu. Parce qu'ils contestent encore des... Et pour revenir à McKinsey, il faut quand même savoir que c'est grâce au fait que... Les étudiants n'ont parlé aux médias et que ça a perturbé McKinsey, qu'ils se sont retirés. Donc maintenant, souvent... Mais quoi, parce que sinon, ça ne serait pas su, ça se serait fait comme ça. Bien hein. Entendu. Et il faut savoir qu'en 2013, il y a un changement de statut et de composante du conseil d'administration, mais il y a un élément pervers en plus. Les autorités ont demandé à tous les administrateurs de l'université de signer une charte comme quoi il ne dirait pas ce qui se passait dans les conseils d'administration, parce que c'est quand même légitime, un conseil d'administration doit être géré dans la discrétion et il n'y a pas lieu de transmettre aux autres les décisions qui sont prises. C'est un secret des affaires, là, on est carrément... c'est hallucinant, ça. Mais c'est pourtant la réalité, ils signent tous les administrateurs signent une charte, ça veut donc dire que les administrateurs demandent à leur communauté, que ce soit le personnel administratif, les étudiants ou le corps académique, de rentrer au sein de la gestion participative de l'université. Et quand ils sont élus, ils acceptent en signant cette charte qu'ils ne peuvent plus rien dire aux personnes qui les ont élus au sein du... C'est une blague, Luc Massard. Mais comment vous tirez toutes ces informations, vous? Mais parce que vous les avez vécues ? Parce que je les ai vécues. J'ai quand même vécu 17 ans au conseil d'administration. Donc vous avez signé aussi, vous, la charte C'est ça. C'était juste avant, hein, puisque j'ai quitté le conseil d'administration juste avant 2013. Et là, je peux vous assurer qu'on n'aurait jamais réussi à me faire signer une charte pareille. Ça n'a aucun sens. Ou bien il y a un système démocratique, ou bien il y a un système technocratique. Et alors, à ce moment-là, que les administrateurs, entre eux, signent une charte. Mais demander à des personnes qui sont élues par une communauté de ne pas remettre des comptes à cette communauté pour dire qu'ils ont bien rempli leur mandat, ça n'a pour moi aucun sens. Mais pour moi non plus, cher monsieur, mais Luc Massard, j'ai l'impression que c'était ça ma question, c'est genre, vous n'étiez pas payé pour ce que vous avez fait, hein ? Après vous, il y a eu de l'argent. C'est ma question. Comment est-ce que vous êtes au courant? Et vous n'avez pas signé de charte non plus? Après vous, il y a eu des chartes, hein? Mais comment vous savez ça? Bon, c'est une bête question. En même temps, c'est les gens qui vous l'ont dit, j'imagine, après vous. La charte avait déjà été proposée à mon époque, un tout petit peu avant 2013, mais elle avait été refusée par les membres du conseil d'administration. Et c'est dans ce système nouveau où il fallait une nouvelle gouvernance et que cette nouvelle gouvernance devait quand même se faire dans une certaine discrétion, que cette charte est apparue. Parce que s'il y avait, comme par le passé, la possibilité de s'exprimer aussi librement, personne, à mon avis, n'accepterait qu'un conseil d'administration, et surtout que le conseil académique, soit dans les mains du seul corps académique. Mais maintenant, dans cette espèce de discrétion et d'apport financier pour ceux qui sont les privilégiés du régime et qui sont très peu nombreux maintenant, moins nombreux que par le passé, c'est tous ces éléments-là qui se sont conjugués pour arriver à un système qui n'est plus démocratique. Même plus du tout, quoi. Si je comprends bien votre analyse et tout ce que vous êtes occupé à expliquer, c'est quand même... On est en plein... Tu sais, comment on dit ça, ça me fait penser, tu vois, comme la politique, quoi, c'est-à-dire les magouilles, les gens qui sont payés, donc ils sont plus libres, et donc vous signez un papier, mais c'est de l'absurde quand même, hein. C'est une honte, quoi, non? Je ne veux pas être très critique, vous avez dit que j'étais scandalisé par le fonctionnement. Je ne suis pas vraiment scandalisé, mais quand vous faites des comparaisons avec les comités de secteur de Bublifine qui recevaient un petit peu d'argent... Ben, les montants qu'ils recevaient n'avaient aucune commune mesure avec les montants que je vous ai cités tout à l'heure comme frais de représentation octroyés à un étudiant. Mais quel changement de vie, rien à voir aujourd'hui, devenir vice-président de l'Université libre de Bruxelles et avoir l'opportunité de dépenser jusqu'à 30 000 euros la première année, 15 000 les années suivantes. Pour ses frais personnels, mais c'est un rêve. Et donc, par ce rêve, vous êtes bloqué dans l'obligation de respecter les règles qui sont dévolues par votre président pour justement continuer à bénéficier de ces avantages. Et c'est un peu ça le drame que je dis toujours des systèmes démocratiques où des cagnottes financières entrent en ligne de compte, elles détruisent toute la démocratie. Évidemment, et puis le président, il est pas bête, hein. Enfin, je veux dire, ils sont pas cons les gens, hein. Il y a une intention derrière, tu vois, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on vous achète, quoi. Mais Luc Massard, une fois que vous avez quitté l'ULB alors, et que vous avez découvert tout ce bazar là. Qu'est-ce que c'est ça alors un peu le sens de vos vidéos aussi, c'est de dénoncer ça, parce que oui, il y a cette question là, puis il y a aussi après on abordera dans le journal Le Soir en fait, hein. Donc vous avez participé au cœur de cette gouvernance, on va dire, à votre manière, vous avez vu tout partir comme ça à l'extrême, comment je dirais, anti-démocratie, alors que vous aviez 18 ans, mai 68, et d'ailleurs vous m'avez dit hors micro que vous étiez super emballé et que votre père vous avait dit quoi exactement ? Quand je revenais emballé le soir à la maison, après avoir assisté aux assemblées libres, je disais c'est formidable ce qui va arriver à papa. Et papa, qui était à l'université déjà depuis quelques années, m'a dit mais tu te trompes, fiston. Ce qui se passe pour l'instant, c'est uniquement les profs qui ne sont pas dans le conseil d'administration qui veulent rentrer dans le conseil d'administration. Et pour pouvoir rentrer d'une façon démocratique, ils sont obligés de négocier avec les étudiants, avec les scientifiques et avec vous. Mais ne te leurre pas, tout ça va disparaître très rapidement. Dommage qu'il n'est plus là pour... hein, parce que c'est... Et papa était ouvrier, mais donc il avait quand même une ouverture d'esprit à ce moment-là. Donc, comme quoi c'est lui qui avait raison et moi qui avais tort dans mon enthousiasme du moment. Ouais, votre papa était ouvrier, mais il a bien connu les révolutions Oui, c'est après la guerre aussi, hein, tout ce qui s'est passé, c'est énorme. Donc il devait, hein, il avait peut-être aussi de la bouteille, et il y croyait peut-être lui aussi à un moment donné. Enfin, et puis il a vu que ça, hein, je pars après la guerre, hein, donc il a aussi l'expérience, quoi, quelque part, votre papa. Oui, et puis on parlait d'anecdotes aussi. Il m'avait expliqué que avant mai 68, c'était un peu paternaliste et c'était tous des grands technocrates qui dirigeaient. Mais quand il y avait un incident qui prenait des proportions et qu'on arrivait devant ces technocrates, le prof ou l'ouvrier était traité de la même façon. Tandis qu'aujourd'hui, les profs ayant le pouvoir, ils ont quand même tendance, même si certains profs sont perturbateurs, de les protéger. C'est le même esprit que la franc-maçonnerie qui dit « Attention, nous sommes tous des frères et même si un frère fait une erreur, il faut quand même que ça ne se sache pas à l'extérieur et il faut se conforter entre nous pour continuer à être solide. » Et c'est la même impression que j'ai maintenant. Les profs ont pris le pouvoir et même quand il y a des brebis galeuses parmi eux, ils n'en font pas trop mention pour justement garder ce pouvoir. De brebis galeuses, j'adore l'image. Qu'est-ce que t'entends? Moi, j'aime bien, je te tutoie, je vous vois. Qu'est-ce que vous entendez par brebis galeuses? Un exemple pour que... Il y a eu des problèmes parfois, on parle de Weinstein maintenant, mais il y a eu des profs à l'époque aussi qui avaient des problèmes, et vous savez, ces problèmes restaient en vase clos, hein, et étaient protégés. Donc tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte pour moi, et effectivement, il y avait des brebis galeuses à ce point de vue-là, et il y avait des brebis galeuses au point de vue financier aussi, hein, qui profitaient de leur poste de professeur pour... avoir des ASBL et tout ça entre eux. Donc tout ça existait et ont été moins mis en difficulté à l'époque où les profs sont rentrés dans le pouvoir qu'à l'époque précédente où c'était les technocrates. Et donc, vous faites des vidéos, pourquoi? Vous avez envie de dénoncer ça? J'ai aussi vu que... vous vouliez participer au journal le soir. Vous pouvez expliquer ça? Parce que ça montre qu'en fait, vous êtes pas, on ne veut pas vous entendre, non? Ou bien je me trompe? Vous êtes censuré, vous n'êtes pas intéressant, vous êtes dérangeant, non? Bon, je suis certainement dérangeant, mais déjà en septembre 2017, j'avais écrit aux autorités de l'université, au président, au recteur, au président du LIBREX, donc cercle étudiant, au président de l'Union des anciens étudiants pour demander qui est, pendant cette mai 2018, 50 ans après mai 68, qui est un véritable débat institutionnel entre différentes parties qui puissent s'exprimer. J'avais dit, vous pouvez me prendre comme... Mais là, c'est maintenant, en fait, parce que j'ai un peu zappé, là. Vous parliez d'année 2000. Là, c'est 2018, c'est maintenant. Donc, en septembre 2017, j'avais demandé qu'il y ait un véritable débat contradictoire, que ce ne soit pas uniquement... Et là, vous m'avez posé la question concernant le soir. Effectivement, j'étais attentif aux interviews du soir et à tous les écrits qui étaient mis là. Et je me suis rendu compte que tous ces écrits, c'était tous des écrits de corps académique, d'une seule composante de l'institution, et que jamais, dans aucun article... on a creusé en profondeur l'évolution de la gestion de l'ULB de 68 à 2018, alors que c'est l'université qui avait été le plus transformée dans sa gestion à l'époque de 68 en Belgique. C'est celle qui a été le plus perturbée et qui a eu de changements beaucoup plus fondamentaux dans sa gestion, ce qui n'a pas été le cas des autres universités. Oui, vraiment? Moi, je ne connais pas. Hein. Donc, à l'ULB, c'est vraiment l'endroit en mai 68 où il y avait une réelle volonté de participation de tous les gens qui géraient cette université. C'est ça que vous voulez dire? Je ne dis pas que tout le monde aspirait, mais c'est à ce moment-là que ça s'est passé, puisque je vous ai expliqué préalablement que c'est les... On m'avait appris à cette époque où j'étais euphorique que c'était les profs qui voulaient cette modification et qu'ils avaient besoin des autres composantes pour y arriver. Et effectivement, à cette époque-là, j'y croyais pas, mais maintenant, je dois forcément y croire, puisque le cheminement s'est terminé en 2013 et les profs ont l'ensemble du pouvoir à l'université. Ok, mais revenons alors à ce journal Le Soir. Vous voulez réagir, on est là, il y a 10 jours, combien de temps? Ben oui, j'ai quelques vidéos qui expriment mon point de vue sur le fonctionnement démocratique de l'université. J'aurais proposé que dans leur édition numérique, ils ajoutent à l'ensemble de leur dossier mai 68, mai 2018, mon point de vue. Que ce ne soit pas uniquement des profs qui s'expriment sur cette évolution, mais qui est un petit d'un autre composant de la communauté qui exprime son point de vue. Le vôtre. Vous, ancien administrateur de... C'est ça ? Je pense que quand on a fonctionné pendant quand même 40 ans dans le système démocratique de l'université, que chaque fois... Moi, j'y ai cru. Moi, j'ai vraiment cru à l'ULB. Quand on m'a demandé, vous avez dit, je n'ai jamais eu un euro pour mon poste de vice-président. Quand on est venu me chercher pour présider des groupes d'accompagnement d'occupation de sans-papiers, je n'ai jamais non plus demandé. C'est par conviction pour les valeurs de l'université que je l'ai fait. Donc, je me sentais très à l'aise. Et je peux vous assurer que les occupations dans le hall des sports et avenue Hubble, dans le hall des sports où il y avait... 300, 400 personnes par moment, vous étiez appelés les nuits parce qu'il y avait énormément d'incidents. Et donc, c'était vraiment un investissement humain très important. Et j'ai cru bêtement que ce type d'investissement pour les valeurs de l'université serait respecté. Et puis, quelque temps après, quand je me suis rendu compte qu'on allait vers une transformation de la structure de l'université et qu'on privatisait doucement le secteur de l'université, là, on a fait comme on fait sans doute avec beaucoup de personnes. Les autorités m'ont convié à une rencontre en m'expliquant que le recteur et le président considéraient que j'étais quelqu'un de très bien, qu'en conséquence, on allait me nommer conseiller aux autorités pour les affaires culturelles. Mais pour ce faire, je devais perdre une partie de mes qualités de gestionnaire de logement étudiant, ce que j'ai refusé immédiatement. Et effectivement... Ouais, mais pourquoi vous avez... Parce que j'ai bien compris qu'on me donnait le beau poste au placard avec un beau titre, mais qu'en définitive, ce que je pensais qui allait arriver, qui était la... gestion privée des restaurants il y a quelques années, allez, si on mettait sur le côté, c'est pour instaurer une gestion privée des logements étudiants. Et vous avez refusé ? J'ai refusé, et effectivement, là, j'ai fini par avoir des lettres très agressives des autorités qui ont fini par me faire accepter d'être déchargé d'une partie de mes tâches, ce qui m'a mis... personnellement, dans un état un peu désespérant. Mais... Pourquoi ? Parce que c'était... Oui, des fois, je pose peut-être des questions évidentes, mais moi, j'aime bien entendre quand même... Pourquoi ? Parce que, en me disant, je n'ai jamais reçu un euro pour tous mes investissements. Je me suis toujours investi pour des valeurs. Je n'ai jamais pu penser qu'on pourrait me mettre sur le côté... alors que je n'avais rien à me reprocher. Bon, j'ai, comme toute personne, certainement eu des défauts de gestion ou autre, mais jamais, jamais la moindre faille dans mon fonctionnement, dans l'esprit d'une université libre où tout le monde s'investissait pour des valeurs. Et donc, ça m'a quand même beaucoup bousculé. Et au moment où je me suis quand même rendu compte que la privatisation s'installer dans le secteur des logements d'une façon itérative, qu'ils ont commencé à proposer de renouveler des bâtiments, mais avec des sociétés privées. J'ai dit, c'est pour ça qu'on me met sur le côté, et j'ai voulu... Oui, parce que vous auriez empêché ça, donc vous étiez dérangeant, c'est ça en fait, mais on ne l'a jamais dit tout haut. Je ne pense pas que j'aurais eu la capacité de le déranger, et d'empêcher surtout... Mais je pouvais au moins, de mon expérience personnelle, dire quelles étaient les failles dans la gestion de la privatisation, puisque j'ai expliqué la privatisation des restaurants sous l'égide d'Hervé Asquin, qui a été recteur dans les années 80 à l'université et qui avait privatisé les restaurants. Et effectivement, quand on fait le bilan aujourd'hui, alors que tout le monde pense que c'est un dogme que la privatisation forcément fait économiser de l'argent, aujourd'hui on se rend compte que comparativement au resto en 1980, il servait beaucoup plus de plats et avec un déficit qui n'était pas plus élevé qu'aujourd'hui, mais il y a beaucoup moins de repas aussi. Et au moment où maintenant, tout récemment, en 2013, donc d'une façon combinée avec la nouvelle gestion de l'université, qu'ils ont instauré une privatisation des logements, j'ai pu voir, puisque je siégeais toujours en commission des affaires sociales et étudiantes, qu'ils apportaient des comptes nouveaux, alors que par le passé, cette gestion de logements étudiants faisait qu'on perdait 30 à 70 000 euros chaque année pour l'aide sociale et étudiante, mais pour un service rendu. Dès qu'ils ont instauré la privatisation partielle de deux bâtiments, qui étaient l'ancienne résidence des courses et une avenue de Pache, on a vu apparaître dans les comptes un boni. Waouh, c'est formidable. Un boni, dire un plus. Un plus, oui, au lieu d'avoir un déficit, il y avait un certain montant de boni. Et puis, directement, j'ai été interpellé, j'ai un peu analysé les comptes et je me suis rendu compte que dans les comptes globaux de la commission des affaires sociales et étudiantes, il y avait des noms de sociétés qui apparaissaient, avec des montants à côté. Et ces montants étaient tout compte fait le loyer que l'université payait à cette société privée pour continuer à pouvoir utiliser les logements étudiants. Et quand on comptabilisait ces montants-là. En 2013, on est arrivé à 700 000 euros de déficit. Ça n'avait plus rien à voir avec les 30 000 et les 70 000. Et puis, l'année suivante, on est arrivé à 1 million de déficit. Donc, la privatisation est une catastrophe. Et ce qui m'irrite encore le plus, c'est que ce n'est pas des comptes normaux de l'université que sont retirés ce million, puisque c'est le financement de la communauté française qui finance l'aide sociale aux étudiants qui payent ça. Donc, on en arrive à un service de l'université qui perdait tenant malant 70 000, 80 000 euros les années catastrophiques, mais qui rendait un service à la communauté universitaire. Et puis, on passe à un système privé où on ne demande plus le même service au privé, mais où on passe à 1 million de déficit. Donc, ça veut dire que l'aide sociale étudiante est amputé d'un million en 2014, je n'ai pas suivi depuis les comptes, mais en 2014, est imputé de l'aide sociale étudiante pour un promoteur privé. Ça me paraît quand même très loin de la réalité. Je ne dis pas que le privé ne fonctionne pas bien, mais il fonctionne bien pour ses actionnaires. Oui, pour ses actionnaires, ça c'est clair. Mais Luc, le temps avance et évidemment, il y a toujours un laps de temps. Hein. On n'est pas là à parler indéfiniment, bien que c'est super intéressant. Mais je reviens avec ma question, ou en tout cas avec le fil de ce qu'on suivait. C'est-à-dire, à un moment donné, vous expliquez que le pouvoir à l'ULB essaye de vous mettre sur une voie de garage. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comment, quoi, vous avez fini votre carrière là ou bien ça s'est mal terminé? Ah, ça s'est mal terminé parce que... Mais je n'aime pas de personnaliser le débat non plus. Mais je me suis rendu compte dans le cheminement que tous ceux qui avaient encore le dynamisme de faire changer les choses, de ne pas accepter ce changement fondamental en 2013 de la fameuse nouvelle gouvernance, sont tous passés sur le côté, soit gentiment, soit d'une façon plus ferme, puisque... Par la suite, quand j'ai refusé la proposition pharaonique des autorités d'attacher culturel aux autorités, on m'a appris qu'il y avait un rapport qui m'était défavorable et qui portait préjudice à certains de mes collègues qui allaient sortir et qui me mettraient en difficulté. Et je peux vous assurer que malheureusement, je venais de revenir d'une opération pour me soigner d'un cancer. Donc j'arrive dans une situation quand même un peu plus faible face au combat que je devais mener. Et au début, je dis, ben, enfin, je n'ai rien à me reprocher, donc il faut y aller. Et puis, on me dit, oui, mais attention, hein, il y a des courriels qui mettent vraiment en exergue le fait que tu n'as pas toujours été agréable. Et puis tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai pas... On attaque votre personne, du coup, alors? Ah, oui, on a attaqué ma personne, et alors c'était plus pour devenir conseiller, mais c'était vraiment pour me retirer toutes mes tâches, parce que je portais nuisance à d'autres personnes, c'était ça qui est... Mais si c'est pas vrai, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous assure, c'était assez comique, parce qu'on dit, quand vous revenez d'une façon instable, vous vous dites, c'est pas vrai. Mais on vous dit, attention, ils ont des preuves. Vous vous dites, mais enfin, c'est pas possible. Mais vous êtes tellement désarçonné que quand j'ai fini par recevoir une lettre, j'ai écrit, je ne suis pas d'accord avec vous, mais j'accepte le fait d'être déchargé de toute une série de mandats. Et puis après coup, quelques mois après, je me suis dit, mais enfin, j'ai jamais fait tout ça. Je reprends. Et puis on prétend que ce fameux dossier, il est secret. Que je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ce dossier. Le vôtre? Le mien. Bon. Mais je me suis donc renseigné, j'étais jusqu'au ministère de l'Emploi pour me renseigner en disant, bien. Tiens, est-ce, mais des mois après, hein, est-ce bien normal que... Et puis là, un inspecteur au ministère de l'Emploi m'a dit, mais enfin, c'est tout à fait anormal, vous avez un employeur voyou. Je me rappelle encore que je dis, mais enfin, c'est l'université libre de Bruxelles. Et il me répond, oui, ça peut être l'université libre de Bruxelles, c'est un employeur voyou. Et il m'a donné les articles du code qui faisaient qu'on devait absolument m'envoyer, sans citer les noms des personnes qui m'avaient mis en cause, mais m'envoyer un rapport que je sache de quoi il s'agissait. Et effectivement, donc, après une lettre recommandée au président, j'ai fini par avoir un rapport, mais qui ne tenait pas la route du tout. Et donc, j'ai demandé au président du conseil d'administration qu'il me fasse des excuses publiques, ce qu'il a refusé, bien entendu. Mais il m'a dit, ah, mais alors, on va te nommer gestionnaire d'une nouvelle résidence malgré tout, et on va te redonner les 300 euros que tu as perdu dans le cheminement de ce qui s'est passé ultérieurement. Comme ça, c'est la preuve que tu n'avais rien à te reprocher. Mais je dis, mais non, c'est pas ça que je demande. Je demande vraiment des excuses claires. Mais attends, du coup, ils ont fait tout un rapport sur toi qui était faux, quoi, avec des histoires qui étaient fausses. Toi, tu te renseignes s'ils ont le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit. Du coup, tu dis, bon, ben là, les petits gars, vous excusez maintenant parce que c'est grave, quoi, ce que vous avez fait. Et ils te disent, ils ne s'excusent pas, mais ils disent, ben, si tu acceptes de l'argent dû à tes... C'était simplement revenir à une situation antérieure, puisque on m'avait expliqué que pour des raisons quelconques, on devait me diminuer de 300 euros, alors que tous les autres gestionnaires n'avaient pas une diminution de 300 euros. Et puis on me dit après, en me donnant beaucoup moins de charges, puisque c'était la gestion d'une seule résidence, on me redonnait les 300 euros. Et comme ça, tout est en ordre et appelé de... Tout ça, au début, tu l'acceptes parce que 300 euros, c'est 300 euros. Et que malgré tout, tu peux dire que tu as une gestion complémentaire. Donc, c'est que tu n'es plus mal à l'aise. Mais surtout, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on me refusait de continuer à participer à la commission des affaires sociales et étudiantes. C'est formidable, j'ai reçu des lettres recommandées pour ne pas aller à cette commission alors que j'avais été désigné par les élus du PATG. Donc, c'est quoi le PATG ? Personnel administratif, technique et de gestion. Okay. Donc, et puis on m'expliquait que parce que j'étais pas bien, j'étais malade, que je pouvais pas siéger, j'ai expliqué que, et j'ai finalement, mais protégé par un avocat, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, je demandais conseil à un avocat pour pouvoir simplement participer au système démocratique de l'université. Pour pouvoir faire votre travail, quoi. Mon travail d'élu. Pas mon travail de membre du personnel. Donc pas payé, quoi. Hein. Et eux ont fini par m'écrire une lettre que malgré toutes les propositions qui étaient faites, je persistais à siéger, mais que je siégeais sans être protégé par l'assurance sociale de l'université. Mais enfin, les membres qui siègent dans les différentes instances ne sont pas protégés. Il y a des représentants de l'Union des anciens, il y a des représentants étudiants. L'étudiant qui est malade, il vient quand même... Le prof qui est malade, il vient... Mais Là, le PATG, il ne pouvait pas. Il recevait des lettres recommandées pour ne pas y aller. Simplement parce qu'il mettait le doigt sur une anomalie que lui pouvait voir plus facilement, puisque en CAGE et en commission des affaires sociales et étudiantes, je siégeais depuis une trentaine d'années. Donc, je connaissais toutes les manipulations possibles des comptes, puisque ma formation quand même de base, c'est une formation de comptabilité. Donc là, j'avais quand même une maîtrise des choses. Bon, ben ça se termine. Mais quoi ? Comment vous êtes parti alors ? C'est quoi l'histoire ? Vous avez fait, comment on dit ça, en pension ? C'est la pension ou bien on vous a éjecté Moi, je parie qu'on vous a fait quitter plus tôt. Non. J'ai quand même été perturbé au niveau de la santé, mais je ne suis pas parti plus tôt. Mais j'étais à quelques mois de ma pension, donc je suis parti à la pension. Et pour répondre à vos vidéos, mes vidéos au départ, c'était une espèce de thérapie pour dire voilà le message que je veux porter à l'institution que j'ai servie pendant très longtemps, mais qui m'a très mal récompensé en finale. Et au départ, c'était uniquement la thérapie. Puis je me suis dit, mais si tu peux passer un petit message, puisqu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de combat, de débat contradictoire, eh bien, essaye de le faire via les médias sociaux, puisque l'université n'accepte pas les débats. Vous vous rendez compte, on est en mai 68, les autorités n'ont pas accepté qu'il y ait un véritable débat. On est en mai 2018, c'est ça quoi, hein ? Oui. Et donc, j'avais espéré que... Et il y avait une conférence, il y a toute une journée de débat qui a eu lieu il y a quelques jours, sous l'auspice, je crois, de la fondation Lippmann. Et il y avait quelqu'un qui, sur mon site, qui avait réagi en disant « Luc Massard pourrait être un invité surprise à cette journée de débat. » Et la réponse des organisateurs a été « c'est un peu tard, le débat est saturé, ce n'est plus possible. » Donc, je n'ai même pas mis les pieds là, parce que je trouvais que c'était quand même assez insultant, alors que j'avais demandé officiellement de pouvoir participer à un véritable débat contradictoire, que j'aurais dû être dans le public et à demander est-ce que je peux dire un tout petit quelque chose. Et alors, on m'aurait encore pris sans doute pour un petit comique. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, quelqu'un, c'est qui ce type, quoi ? C'est qui ce type ? Un troll, tu connais le mot troll sur les genre. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, parce que maintenant je vous ai bien entendu, je vous ai bien écouté. Vous n'êtes pas un comique, quoi. Vous avez vraiment une non, mais je veux dire, c'est tout à fait. Ça donne envie d'aller plus loin, d'aller voir, de se renseigner. Ça donne envie de mieux comprendre ce qui se joue, quoi. Vous avez l'air non, vous n'êtes pas fou. J'espère que je ne suis pas fou. Pas encore. J'espère que je suis quand même parfois comique. Mais mon aspiration, c'était vraiment de pouvoir avoir un débat, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des personnes académiques. Encore une anecdote. Au moment où je contestais la mise en place de la nouvelle structure de l'université, j'ai une prof qui était administratrice à ce moment-là, qui me dit, mais enfin, Luc, il y a quand même beaucoup de profs de gauche à l'université qui siègent au conseil d'administration, mais ne vous en faites pas, on va défendre le PATG, n'ayez aucune appréhension. Vous vous rendez compte, la condescendance de dire, vous, ce qui est sous-jacent, c'est vous n'êtes pas capable de siéger, mais nous, dans notre bienveillance, nous allons faire le nécessaire pour vous. Ah oui, moi je l'entendais plutôt comme genre on va être solidaires, quoi, on va être ensemble. Moi je l'entendais comme ça. Si on est solidaires à ce moment-là, pourquoi ne plus permettre au PATG d'avoir une représentation crédible ? Pourquoi c'est d'autres personnes qui se considèrent plus haut ? Ah oui, c'est d'autres personnes qui en fait oui qui veulent se présenter à votre nom, c'est ça en fait. Mais quand moi je disais mais enfin la représentation ne va plus être équitable, on m'a répondu mais ne t'en fais pas, il y a des profs de gauche qui vont défendre mais on éludait le fait qu'il n'y avait plus d'équilibre. Mais on est, je comprends, énorme, c'est énorme de dire ça. Moi, c'est le système de caste, quoi. C'est nous sommes au-dessus et nous allons faire le bien à votre place. Ah oui, c'est énorme, ça pue, c'est dégueulasse. Mais vite, on termine là-dessus. C'est le journal Le Soir aussi. Tu as voulu proposer quelque chose, en tout cas un point de vue, c'est ça. Je me répète, hein, mais c'est pour comprendre bien. Oui, tu as voulu donner un point de vue différent que ces académiques et on t'a refusé la place, quoi, aussi là, quoi. C'est-à-dire que t'as le... Donc tout se tient, en fait, les médias, le... tu sais, l'institutionnel... et comment ça fait combien de temps maintenant que t'as fini avec l'ULB en gros, parce que je sais que c'est toujours là évidemment, mais que tu y es plus, que tu travailles plus là? J'ai quitté en février il y a plus de 2 ans maintenant, donc je n'ai pas encore réussi le vaccin complet et je suis toujours dans le circuit, mais effectivement je vais progressivement me retirer, mais je suis quand même attristé de l'évolution d'une université que je tenais tellement à cœur. Oui, et puis surtout, vous avez tellement donné de vous-même qu'on vous traite comme ça, c'est... Je crois qu'il ne faut pas du tout viser la personne. Mais pourquoi pas ? Parce qu'en fait, regardez, moi je ne suis pas du tout à viser la personne, mais tout compte fait, je trouve qu'il y a des responsabilités, vous voyez ? Il y a des responsabilités, les gens, ils sont responsables, vous voyez ? Ce que je demande simplement, c'est qu'on ne dise pas « Oh, ce troll croit détenir la vérité ». Qu'on fasse des débats où il peut y avoir le troll qui est d'autres personnes avec des arguments bien élaborés qui disent que le gars c'est un troll. Il raconte n'importe quoi, mais d'une façon structurée. Mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas voulu avoir ce débat contradictoire avec quelqu'un qui avait quand même de la matière pendant 40 ans de participation. Vous quoi, quelqu'un, c'est vous. Mais qui aurait pu être une... des personnes invitées à ce débat contradictoire avec d'autres. Et donc, je ne prétends pas du tout avoir la vérité. Mais je pense que c'est en confrontant les vérités des différentes personnes que les personnes qui nous écouteront en feront leur vérité à eux. Oui, vous ne détenez pas la vérité, mais il y a des faits quand même qui se sont déroulés, vous voyez. Vous êtes quand même porteur de faits qui se sont déroulés en telle année avec une transformation du pouvoir. Je veux dire, vous ne racontez pas non plus n'importe quoi, vous l'avez vécu. Et la preuve, c'est qu'à la fin, on veut vous éjecter pour pas que vous dérangiez, en fait. Ce que j'évoque, c'est des éléments factuels. Hein. Si en 68, il y avait réellement... chaque communauté qui était représentée de la même façon à ce que le pouvoir ne soit pas détenu par une minorité de cette composante, à ce moment-là, tout est en ordre. Mais vous avez vu que 2 ans plus tard, c'était déjà un changement assez fondamental, plus que la moitié pour 30, 40 000 personnes et l'autre moitié pour 1 000, 1 500 personnes. Donc les règles sont déjà un petit peu bizarres, mais admettons encore que c'était possible. Mais aujourd'hui, ça veut dire que cette minorité de 1 000 et quelques personnes a le pouvoir absolu. Et c'est ça qui est insupportable. Je préfère alors revenir encore à un système où les gestionnaires sont indépendants de toute la communauté universitaire. Bon, ben voilà, merci Luc Massard. Des mots pour finir peut-être que je n'ai pas posé, que dire, on peut vous retrouver sur le réseau social si jamais on veut vous poser plus de questions, je ne sais pas, si on veut vous soutenir, si on veut, je ne sais pas. C'est en écrivant au rédacteur en chef du Soir, c'est ce que j'ai écrit. Si les journaux ne sont pas assez ouverts pour permettre à toutes les composantes des communautés de s'exprimer, c'est les réseaux sociaux qui prendront le relais. Et j'ai dit que moi, dans l'occurrence, j'avais créé une page Combat pour la liberté d'expression et la démocratie à l'ULB pour défendre mon point de vue et que je le faisais aussi sur ma page LinkedIn. Et donc, maintenant, je me suis rabattu là, puisque je n'ai même... Vous vous rendez compte que j'avais fait une demande au rédacteur en chef du Soir qui n'a même pas eu la gentillesse de répondre, qui ne désirait pas donner mon point de vue. Même pas ça. Dans quel monde on vit, Luc ? Bon, merci, hein.